Yani, je vais terminer avec un cadeau de Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah, qui est un conseil que Cheikh a donné, un conseil que Cheikh a donné en réponse à une question. Et ça, vous le trouvez dans un recueil de fatwa de Cheikh Ahmed al-Najmi sur les différentes voies dans la da'wa. Donc c'est un recueil qui s'appelle Al-Fatawa al-Jaliya an il-Manahij al-Da'awiyya. Et ce conseil que je vais lire, c'est dans le deuxième volume, à partir de la page 17. سئل فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله ورعاه ومن كل سوء نجاه الله ووقاه فضيلة شيخنا نود منكم التكرم بكتابة كلمة نافعة للمسلمين تستفتحون بها هذا الكتاب المبارك وخاصة فيما يحتاجه الشباب المقبلون على ربهم بالتوبة النصوح والذين عندهم رغبة شديدة في إصلاح الخلق بالدعوة إلى الله وفق ما شرعه الله ورسوله وجزاكم الله خيرا وبارك في جهودكم وأعمالكم في فعل كل عمل صالح يحبه الله ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Donc la question c'est: ô éminent Cheikh Ahmed al-Najmi, Ahmed ibn Yahya al-Najmi, qu'Allah le préserve et le protège, et qu'il le sauve et le préserve de tout mal. Cher Cheikh, nous voulons de votre part, nous attendons de votre part, ou nous aimerions de votre part, que vous ayez l'amabilité d'écrire une parole bénéfique pour les musulmans, par laquelle vous allez ouvrir ce livre béni, et surtout concernant ceux que les jeunes qui reviennent vers leur Seigneur par le repentir sincère, yani des choses qu'ils ont besoin, hein, yani surtout des choses dont ont besoin les jeunes qui reviennent vers leur Seigneur par le repentir sincère et qui ont une grande envie de rectifier et de réformer les créatures par la da'wa à Allah selon ce qu'Allah et son messager ont légiféré. Puis ensuite, donc à la fin de la question, ils ont fait des du'as dans lesquels ils demandent à Allah de récompenser le shirk de la meilleure des récompenses pour ses efforts, etc. Et de bénir ses efforts et son âge. Donc le shirk, il répond: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. La louange entière est à Allah, et que la prière et le salut soient sur le prophète Mohammed, soit sur le messager d'Allah, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. وبعد, ceci dit, فإن الله أثنى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها خير أمة أخرجت للناس. Certes, Allah a fait les éloges de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi elle est la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir pour les gens. وجعل أبرز خصالها التي استحقت بها هذا الثناء العاطر من رب الأرض والسماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. Et il a fait, ou il a cité, la plus grande des caractéristiques par laquelle cette communauté a mérité cette grande éloge du Seigneur de la terre et des cieux, La plus grande de ses caractéristiques, Allah a fait que c'est qu'elle ordonne le bien et qu'elle interdit le mal et qu'elle croit en Allah. وأن هذه الثلاث الخصال وأن هذه الثلاث الخصال مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض. Et ces trois caractéristiques, ordonner le bien, interdire le mal et de croire en Allah, ces trois caractéristiques, elles sont liées les unes aux autres. L'une ne peut pas être séparée de l'autre. فكما فرض الله عليهم الإيمان فإنه فرض عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Donc de la même façon qu'Allah a rendu obligatoire sur les gens de croire, de la même façon il a rendu obligatoire sur eux d'ordonner le bien et d'interdire le mal. فمن لازم الإيمان أن صاحبه لا بد أن يكون آمرا بمعروف ومن لازمه أن يكون ناهيا عن منكر على مراتبه الثلاث في قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Et ensuite le cheikh il dit, et cette foi, la foi elle implique que le croyant ordonne le bien. Et cette foi, elle implique également que le croyant interdise le mal, selon les trois degrés qui sont cités dans le hadith, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Quiconque parmi vous voit un mal, qu'il le change par la main, s'il ne peut pas qu'il le change par la langue, s'il ne peut pas qu'il le change par le cœur. » Et ceci est le plus bas degré de la foi. وفي الحديث ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وفي رواية تحيط من وراءهم. Donc, et dans le hadith, Cheikh il dit, et dans le hadith, trois choses. Le cœur du musulman, yani, ne trouve aucune réticence à cela. La sincérité de l'acte pour Allah. Et le conseil aux dirigeants musulmans et l'attachement au groupe des musulmans. Car certes, la da'wa de l'islam englobe tous ceux qui sont derrière elle. Puis ensuite, donc, le cheikh il cite donc la référence de ce hadith. Wa fil hadith aydan la yamna'anna ahadakum haybatun nasi an yaqula bihaqqin in ra'ahu aw shahida. Et dans le hadith également, dans un autre hadith authentique, puisqu'après Cheikh il cite la référence, c'est que c'est un hadith authentique, ou qu'il y a une chaîne de transmission authentique. Il dit, dans le hadith également, que la crainte des gens ne pousse aucun d'entre vous, que la crainte des gens n'empêche aucun d'entre vous de dire la vérité s'il l'a vu ou en est témoin. S'il l'a vu ou s'il en est témoin. Puis le cheikh il dit وَلَقَدْ رَأَيْنَا مِنَ الْمُثَقَّفِينَ بَلْ مِمَّنْ تَغْبِطُهُمْ عَلَى عِلْمٍ وَعَقْلٍ أَقْوَامًا يَتَضَايَقُونَ مِنْ ذِكْرِ الْحِزْبِيَّاتِ الْجَدِيدَةِ وبيان ما فيها من أخطاء وما عليها من ملاحظات ومآخذ. Donc le cheikh il dit, et nous avons vu parmi les gens cultivés et même parmi des gens que tu envies pour leur science et pour leur intelligence. Nous avons vu parmi ces gens cultivés des personnes qui ont du mal, hein, qui ressentent une gêne dans le fait de citer les nouveaux, les nouvelles sectes, et qui ressentent une gêne dans le fait de démontrer et d'exposer ce qu'ils ont comme erreur. Ce qu'elles ont comme erreur, ces nouvelles sectes. Et ce sur quoi elles sont comme erreur. فَتَرَاهُمْ يَتَّهِمُونَ مَنْ سَلَكَ هَذَا الْمَسْلَكِ وَهُوَ بَيَانُ مَا فِي تِلْكَ الْمَنَاهِجِ مِنْ أَخْطَاءِ فَاحِشَةٍ بَعْضُهَا يُخْرِجُ مِنَ الْإِسْلَامِ كَالشِّرْكِ الْأَكْبَرِ وَبَعْضُهَا يَخْدِشُهُ خَدْشًا لَيْسَ بِالْيَسِيرِ كَالْبِدَعِ والتشريعات التي وضعوها من عند أنفسهم استحسانا كقول مؤسس المنهج الإخواني نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. Donc le cheikh il dit, et tu vois ces gens cultivés, intelligents, n'am, peut-être même ils ont une certaine connaissance. Et tu vois ces gens, donc en plus qu'ils ressentent une gêne dans le fait de critiquer ou de citer donc les nouvelles sectes et les erreurs qu'ils ont, tu les vois qu'ils accusent et qu'ils critiquent ceux qui suivent cette voie-là, qui est de quoi d'exposer les erreurs, qui est le fait d'exposer ce qu'il y a. Dans la suite, le cheikh il dit, tu vois ces gens-là qui critiquent celui qui suit cette voie, qui est d'exposer ce qu'il y a dans ces sectes comme erreur immense. Certaines font sortir de l'islam comme du polythéisme majeur, du shirk akbar, et d'autres entache l'islam de celui qui les commet, d'une tâche qui n'est pas petite, telle que les innovations et telle que les choses légiférées, les légiférations qu'ils ont sorties d'eux-mêmes, car ils trouvent que c'est bien, comme la parole du fondateur de la voie des Ikhwan. Lorsqu'il dit, nous nous entraînons dans les choses sur lesquelles nous sommes d'accord et nous nous excusons les uns les autres les choses dans lesquelles nous divergeons. وقوله في شرط الطاعة من شروط البيعة العشرة من رسالة التعاليم وأريد بالطاعة امتثال الأمر وإنفاذه توا في العسر واليسر والمنشة والمكره بدون مراجعة ولا تردد. Et également sa parole au fondateur de la voie des Ikhwan, et je le dis au passage, qui est Hassan al-Banna, non pas Hassan al-Banna, Hassan ibn Muhammad ibn Abdel Wahhab al-Banna, qui est en Égypte actuellement, mais Hassan al-Banna qui a fondé le Minhaj des Ikhwan il y a 80 ans à peu près. Donc, Hassan al-Banna également, il disait, dans les conditions de l'obéissance, parmi les conditions du serment, de la bay'a, parmi les 10 conditions qu'il a mis dans la bay'a, dans le serment d'allégeance que les Ikhwan lui prêtaient, car dans la secte des Ikhwan, lorsqu'il rentrait dans la secte, il devait prêter serment d'allégeance aux dirigeants Ikhwan. Donc il dit, Hassan al-Banna, il disait, donc en citant donc la condition de l'obéissance dans les 10 conditions de la bay'a qui doivent être faites aux dirigeants Ikhwan, dans un livre, dans un épître qui s'appelait Al-Ta'alim, c'est-à-dire les principes de base. Il dit Hassan al-Banna, et ce que je veux dire par l'obéissance, c'est d'obtempérer aux ordres et de les appliquer immédiatement, dans la difficulté comme dans la facilité, dans ce qui te plaît comme dans ce qui ne te plaît pas. C'est-à-dire, yani, tu n'as pas le droit de refuser, tu n'as pas le droit de douter. Tu n'as pas le droit d'hésiter. Tu dois obtempérer immédiatement. طيب. Ensuite, le Cheikh, il dit, Cheikh al-Najmi, il dit, وَهَذَا الشَّرْطُ مُخَالِفٌ لِتَعَالِيمِ الْإِسْلَامِ. Et cette condition, elle est contraire. Elle est contraire au principe de base de l'islam. فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يُبَيِّعُ أَصْحَابَهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَةِ وَالْمَكْرَهِ وَيُلَقِّنُهُمْ فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ. Donc cette condition, elle est contraire au principe de l'islam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, ses compagnons, ils lui prêtaient serment d'allégeance, qu'ils devaient l'écouter et lui obéir dans la difficulté et dans la facilité, dans ce qui leur plaît et dans ce qui ne leur plaît pas. Et le prophète, il leur disait à tous, il leur disait de dire, selon vos possibilités. Vous devez m'obéir selon vos possibilités. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Et le prophète également, il disait, l'obéissance, elle n'est que dans ce qui est convenable. Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au créateur. Donc le shir, il poursuit, il dit فإذا بين أحد هذه التشريعات الغريبة فإذا بين أحد هذه التشريعات الغريبة عن الإسلام ووضحها للطلاب العلم الذين يجهلون هذا قالوا هذا تفريق للمسلمين هذا غيبة للدعاة. Donc Cheikh il dit, et lorsqu'une personne vient et expose et démontre toutes ces fausses légiférations qui sont étrangères à l'islam et qu'il les éclaircit pour les étudiants qui ignorent cela, les gens, tu trouves ces gens-là, les gens cultivés soi-disant et intelligents, tu les vois qui disent sur celui qui a démontré donc les erreurs et les égarements de ces sectes, ils disent sur lui, ceci divise les musulmans, ceci est de la médisance sur les prêcheurs et les prédicateurs. Le shir ensuite il dit, أخي المسلم أرجو أن تتذكر أن الإسلام هو ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما استحسنه الشيوخ وجعلوه شرعا لأتباعهم. Donc le shir il dit, ô frères musulmans, je voudrais que tu te rappelles que l'islam est ce avec quoi est venu Mohammed, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, non pas ce que certains savants trouvent correct. Non pas ce que certains chouyours trouvent bien et qu'ils en font une loi pour leurs suiveurs, une législation pour leurs suiveurs. فمن أسس دعوة على نهج مخترع من عند نفسه وأدخل في الإسلام ما ليس منه وأخرج منه أساسه الأعظم وقاعدته التي لا يقوم إلا عليها فَإِنَّ عَمَلَهُ مَرْدُودٌ غَيْرُ مَقْبُولٌ. Ensuite le Cheikh il dit, donc quiconque fonde une da'wa sur une voie innovée par lui-même, sur une voie inventée par lui-même, et qui fait entrer dans l'islam des choses qui n'en font pas partie, et qui fait sortir de l'islam une de ses plus grandes bases, sa base la plus grande, la plus importante, sa base la plus importante, et sa règle sur laquelle l'islam ne peut pas tenir, et bien celui-là qui a fondé cette da'wa, donc sur cette voie innovée, en enlevant des choses qui font partie de l'islam, et en rentrant dans l'islam des choses qui n'en font pas partie, celui-là, son acte est rejeté, et il n'est pas accepté. لِأَنَّهُ فَقَدَ أَحَدَ الْأَصْلَيْنِ الَّذَيْنِ يَقُومُ عَلَيْهِمَ كُلُّ عَمَلٍ وَهُمَا الْإِخْلَاصُ لِلَّهِ وَالصَّوَابُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Pourquoi son acte est rejeté? Car il lui manque une des deux bases sur laquelle repose tout acte, qui sont la sincérité pour Allah et la conformité, la véracité et la conformité à ce avec quoi est venu Muhammad, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وَلَسْنَا نَتَكَلَّمُ عَنِ الْإِخْلَاصِ فَهُوَ أَمْرٌ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَلَكِنْ نَقُولُ. Et nous ne parlons pas donc de la sincérité. Donc ici, le cheikh il dit, je ne parle pas de la sincérité, car c'est une chose que seul Allah connaît. C'est une chose que seul Allah connaît. Mais nous disons, أولاً, premièrement, أن من ترك من الدعوة إلى الله البداءة بالتوحيد وسكت عن الشرك حتى كأنه مباح شرعا واشترط في دعوته شروطا ليست في كتاب الله فإن عمله قد جانب الصواب وخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته. Donc premièrement, le cheikh il dit, quiconque dans la da'wa délaisse le fait de débuter par le tawhid et se tait sur le shirk à un point tel qu'on dirait qu'il le rend licite dans la religion, et qui en plus de ça met comme condition dans sa da'wa des conditions qui contredisent le livre d'Allah, cette personne-là, son acte est contraire à la vérité, et il a contredit ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la da'wa. Thaniyan, yatazaharuna bit-tanassuki wat-ta'abbudi fayaghurrun man la ya'lamu haqiqata amrihim fayankhadi'u bihim wa hum fil haqiqati yad'una ila khilafatin badalan min at-tauhid ويرون الخروج على الولاة المسلمين ويربون الشباب على بغضهم ويعدون العدة للخروج عليهم متى تهيأت الفرص. Deuxièmement, le cheikh il dit, ces gens-là ils se font passer pour des gens qui sont dans l'adoration d'Allah, yani qui sont fervents dans l'adoration d'Allah, et ils trompent avec cela les gens qui ne connaissent pas la réalité de leur cas, et donc les gens se font tromper par eux, alors qu'en réalité ces gens-là ils appellent au califat, ils appellent à un califat au lieu d'appeler au tawhid, et ils voient l'autorisation de se rebeller contre les gouverneurs musulmans, et ils éduquent les jeunes sur la haine envers les gouverneurs musulmans, et ils préparent tout ce qu'ils peuvent pour la rébellion, lorsqu'ils en auront l'opportunité. Thalithan, يجب على من يعلم هذه الحقائق بالدلائل والقرائن أن يبين أمرهم ويحذر منهم طاعة لله وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر الذي أمر الله به وجعله من أبرز صفات هذه الأمة. Troisièmement, il est une obligation pour celui qui connaît ces réalités avec les preuves et les indices. Il est une obligation pour toute personne qui connaît ces réalités avec les preuves et les indices de démontrer, d'exposer la situation ou le cas de ces gens-là et de mettre en garde contre eux par obéissance envers Allah et par concrétisation de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal qu'Allah a ordonné et dont Allah en a fait la plus grande des caractéristiques de cette communauté, la plus grande des qualités de cette communauté. Rabi'an, quatrièmement, نحن نعتقد أن من سكت عن بيان هذه الأمور وهو يعلمها أنه قد خان الأمانة التي أوجب الله عليه أداءها بقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وخان الدولة وخان المجتمع الذي هو فيه وذلك في نفس الوقت خيانة للدين الإسلامي لأنه تقصير في حماية الدين من الدخيل. Quatrièmement, le cheikh il dit, nous croyons, avec conviction, que celui qui se tait et qui n'expose pas ces choses-là, alors qu'il les connaît, qui n'expose pas donc, les erreurs des sectes et des partis. Donc celui qui n'expose pas cela, alors qu'il les connaît, il a certes trahi la responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendue obligatoire. Lorsqu'Allah dit, lorsqu'Allah dit, certes Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Donc le cheikh il dit, celui donc qui n'expose pas ces choses-là et qui se tait, il a certes trahi la responsabilité qu'Allah a rendue obligatoire sur lui. Lorsqu'Allah dit, certes Allah vous ordonne de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Et il a trahi le pays, et il a trahi la société dans laquelle il vit. Et en même temps, ceci est une trahison à la religion de l'islam. Car c'est un manquement dans le fait de préserver la religion contre tout ce qui est assimilé alors que ça n'en fait pas partie. Khamisan, wa man sakata an hadhihi al-manahij التي فيها من المخالفات للدين الإسلامي في أصوله وفروعه وعقائده وأحكامه فإنه قد شجع الفساد وأعان المفسدين والمحدثين في الدين ما ليس منه. Cinquièmement, celui qui se tait sur ces groupes, يعني sur ces groupes égarés, celui qui se tait sur ces groupes dans lesquels il y a comme contradiction à la religion de l'islam, dans les bases et dans les branches, dans la croyance ou dans les règles. Donc celui qui se tait sur ces groupes, qui ont donc des contradictions à la religion, à l'islam, donc dans toutes ces choses-là, eh bien certes, celui qui se tait là-dessus, il a certes encouragé le mal. Et il a aidé, les corrupteurs et ceux qui ont innové dans la religion des choses qui n'en font pas partie. سادسا وهو في هذه الحالة داخل في اسم الكاتمين الذين أخبر الله عز وجل أنه يلعنهم ويلعنهم اللاعنون من عباده حيث يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Allah subhanahu le shir, Afwan, il dit, sixièmement, également, personne, alors qu'il commet cela, c'est-à-dire qu'il se tait sur les groupes égarés, donc cette personne, il entre dans ceux qui ont caché, il rentre dans ceux qui ont caché ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a parlé et qu'il a dit qu'il les maudit et que ses serviteurs les maudissent. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit, certes ceux qui cachent ceux que nous avons fait descendre en fait de preuves et de guides après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre, voilà ceux qu'Allah a maudit et que les maudisseurs maudissent. Sauf ceux qui se sont repentis, qui ont corrigé et ont déclaré d'eux, je reçois le repentir, car c'est moi l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Sabi'an. Sabata fi sahihi anil nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qal. La'ana Allahu man la'ana walidayhi. La'ana Allahu man zabaha li ghayri Allah. لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض والسكوت عن هؤلاء إيواء للمحدثين وإعانة لهم فاحذر يا عبد الله أن تسكت عن الباطل وتقره أن تسكت عن الباطل وتقره فتدخل في عداد من سمى الله فتخسر في الآخرة فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Septièmement, le Cheikh il dit pour terminer, il a été confirmé dans le recueil authentique le recueil authentique de Muslim, comme ceci est cité en référence, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah maudisse celui qui maudit ses parents, qu'Allah maudisse celui qui égorge ou qui sacrifie pour autre qu'Allah, celui qui immole pour autre qu'Allah, qu'Allah maudisse celui qui protège un innovateur, qu'Allah maudisse celui qui change les signes du chemin. Puis le cheikh il explique, il dit, et le fait de se taire sur ces gens-là, c'est une manière de protéger les innovateurs et de leur porter assistance. Donc prends garde, ô serviteur d'Allah, prends garde de te taire sur le faux et de le cautionner, auquel cas tu rentrerais parmi les gens qu'Allah a cités, et tu serais perdant dans l'au-delà, car certes aujourd'hui, c'est le temps des œuvres, il n'y a pas encore de jugement, mais demain, ce sera le jugement. Et il ne sera plus possible d'agir. Qu'Allah accorde les éloges. Qu'Allah accorde éloge à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivent convenablement jusqu'au jour de la rétribution. Et c'est sur cela que se termine cette traduction de la conférence de Cheikh Saleh Al-Fawzan que j'ai fait suivre d'un conseil de Cheikh Ahmed Al-Najmi par rapport aux jeunes qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, qui viennent de se repentir et qui ont de la motivation, qui sont motivés pour rectifier le monde, pour corriger le monde. Et yani, comme j'ai dit dans un commentaire il y a quelque temps de cela, bi'ibnillahi ta'ala, après le mois de Ramadan que nous devons consacrer au jeûne, à la prière et à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lecture du Coran, l'apprentissage de choses bénéfiques, la révision de ce que nous avons appris et autres actes de bien. Après cela, bi'idhnillahi ta'ala, après le mois du Ramadan, après l'Eid, au mois de Shawwal, il y aura tout d'abord des interventions pour réfuter certaines ambiguïtés qui sont propagées actuellement et depuis quelque temps en France et ailleurs. Et également, je ferai ma réplique à la réponse de Sofiane Abou Ayoub qu'il a faite à ma mise en garde. Et j'expliquerai la raison pour laquelle j'ai retardé ma réplique à Sofiane durant tous ces mois-ci, pour finalement la faire bi'idhnillahi ta'ala, si Allah nous accorde la vie, pour la faire bi'idhnillahi ta'ala au mois de Shawwal qui arrive. Shawwal 1434. Yani, après le Ramadan de cette année 2013 chez les Kuffar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.